Yani Abdullah ibn Abbas, il posait beaucoup de questions et il mémorisait la science qu'il prenait de Sahaba radiallahu anhum. Abdullah ibn Abbas, il disait vers la fin de sa vie, vous savez qu'Abdullah ibn Abbas, il a perdu la vue vers la fin de sa vie. Il disait, il n'y a pas un homme sur terre dont Shaitan espère la mort autant que moi. Il n'y a pas un homme sur terre dont Shaitan espère sa mort comme il espère ma mort et ma disparition. Abdullah ibn Abbas, comme c'était un enfant, quand Nabi alayhi salam est décédé, il a vécu longtemps après le prophète alayhi salam, jusqu'à la disparition de la plupart des compagnons, et surtout les grands savants parmi eux. Et c'est devenu lui la référence vers laquelle tout le monde revenait. Il disait ça. Quelqu'un lui a dit, allez, pourquoi tu dis ça? Il a dit, l'innovation vient de l'Ouest et je la réfute avec la Sunna. Comme elle vient de l'Est et je la réfute avec la Sunna. Ça nous montre l'importance des savants dans notre communauté et l'importance du respect des savants. Contrairement à ce que tu peux voir et entendre de certains égarés, de certains ignorants ou de certains qui ont la science mais à qui Allah n'a pas permis de profiter de leur science et leur science est devenu un argument contre eux et non pas pour eux, wal-iyadu billah. Ceux-là qui critiquent les savants d'une manière subtile, indirectement, et qui disent, par exemple, le savant, on lui fait dire et répète, le savant, il est yani, influencé par son entourage, et c'est eux qui lui donnent les jugements qu'il ne fait que répéter. Ça peut arriver à un savant. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver à un savant. Ça peut arriver à un savant. Mais pour l'accepter, il nous faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves, cet homme doit se repentir à Allah. Sinon, c'est un égaré. Car critiquer les savants, sans fondement, c'est le signe le plus apparent des gens de l'innovation. T'as des dalils, alhamdoulilah, t'es le bienvenu. Et c'est accepté. T'as pas de dalil, tu ne dois pas parler avec ces choses-là. Et si t'as parlé, tu dois te repentir. Alhamdulillah, tu reviens avec nous. T'es salafi. Mais si tu persistes dans cet égarement, tu peux sortir de la salafia. Car ça, c'est le signe le plus apparent des gens de l'innovation. Comme a dit l'imam Sabouni et beaucoup d'autres imams parmi les salafs. Alamatou. أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. Qu'Allah nous en préserve.